section 67 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 67. Les drames du tunnel, par Louis Figuier. Dans le ténébreux séjour du tunnel des Alpes, où pendant 10 ans, 1500 à 1800 hommes ont vécu avec leurs passions, leurs intérêts, leurs fatigues physiques et morales, plus d'un drame a dû se passer, et l'impression doit en rester vivante encore dans les souvenirs de ceux qui en furent les témoins. L'âme humaine est la même en tout lieu, que le soleil nous éclaire ou que la nuit nous environne, que nous soyons puissants ou misérables, nous sommes tous soumis à l'empire inévitable de la destinée et du concours d'événements que nous ne sommes les maîtres d'empêcher ni de prévoir. Telles sont les réflexions philosophiques et morales que je faisais in petto pendant la soirée du jour que j'avais consacrée à visiter les travaux du tunnel des Alpes. En compagnie d'un contremaître qui avait montré le matin beaucoup d'obligeance pour me guider dans ma visite au chantier, j'étais entré, après le dîner, dans une sorte de guinguette en plein air qui existait à Monta, village situé à 2 kilomètres de l'entrée du tunnel, du côté de l'Italie. C'est là que les ouvriers se réunissaient pour prendre le repas du soir. Quand les wagons de service les avaient amenés hors du tunnel, après leur journée de travail, ils se répandaient dans les guinguettes des environs, et particulièrement à Monta. Nous nous étions assis, le contremaître et moi, à une petite table, sous une tonnelle, enjolivée de chèvrefeuilles et de vignes vierges, lorsque nous vîmes arriver une jeune fille misérablement vêtue, mais dont l'aspect me frappa. Elle parcourait les tables des ouvriers et s'arrêtait, sans rien dire, devant quelques-uns. Il était rare qu'on ne lui donnât pas un morceau de pain, un fruit ou quelques vieilles bayoques du pape, le seul numéraire que connut alors le bas peuple piémontais. Elle prenait le tout sans dire un mot, sans remercier, sans que sa physionomie trahît le moindre sentiment. Puis, machinalement, le regard fixe et comme perdu, elle passait à la table suivante. On semblait si bien habitué à la voir que c'est à peine si on s'apercevait de sa présence, et elle se retira comme elle était venue, du même air inconscient et impassible. Ce spectacle m'avait assez vivement impressionné, et je ne pus m'empêcher de demander à mon compagnon quelle était cette jeune fille. « C'est une folle, » me répondit Coscoline. « C'est le nom du contremaître. On la laisse aller parce qu'elle ne fait de mal à personne et n'inspire que de la pitié. Elle est de Bardonnèche. On l'appelle Margarita, mais nous la nommons ordinairement la fiancée de l'Autrichien. » Ces derniers mots ne firent que redoubler ma curiosité. « Pourriez-vous, » dis-je à Coscoline, « m'expliquer comment cette pauvre fille a perdu la raison ?» « Tout le monde ici, répliqua le contremaître, vous dirait son histoire, car elle a fait assez de bruit dans le pays. Mais puisque vous le désirez, je suis prêt à vous la conter. » Je fis venir une forte tranche de polenta, escortée d'un litre de vin de Coni et d'une bouteille de petite bière de Turin, et Coscoline alluma sa pipe. Une belle pipe allemande, achetée d'un marchand forain, qu'il avait apportée de Stuttgart. Je ne fume pas, mais j'ai ma manière de fumer. C'est de regarder fumer les autres. Cela leur fait plaisir et ne me donne pas mal au cœur, comme si j'étais partie prenante. Donc, je contemplais avec recueillement la fumée bleuâtre qui s'échappait en tournoyant de la pipe de mon interlocuteur, pendant qu'il me racontait la tragique histoire de la fiancée de l'Autrichien. « Margarita, me dit le contremaître, n'a pas toujours été la misérable folle que vous venez de voir. C'était une des plus jolies contadines des environs de Bardonnèche et la plus accorte, la plus gaie des danseuses du petit bal qui se tient ici l'après-midi de chaque dimanche. C'est même ce qui amena tous ses malheurs. » Vous avez vu ce matin que chaque lance d'une machine perforatrice est desservie par deux hommes, dont l'un dirige le coup des fleurets d'acier pour creuser les trous dans le roc et l'autre fait jaillir l'eau qui déblaye les trous de mine. À l'une des perforatrices, nous avions deux excellents ouvriers, un piémontais et un allemand. Le piémontais s'appelait Pietro Bamba. C'était un jeune homme vigoureux et infatigable, mais qui se laissait, comme beaucoup de ses compatriotes, emporter par la fougue de sa nature passionnée, ce qui ne l'empêchait pas, du reste, d'être à l'occasion sournois, dissimulé et, comme on dit, en dessous. Quant à l'allemand, il était fort appliqué à son ouvrage, mais il fuyait la société de ses camarades et il n'aimait pas à dire son nom. On avait eu assez de peine à obtenir ses papiers pour l'inscrire sur les registres du bureau et du contrôle. Attachés à la même lance, nos deux mineurs ne se quittaient pas de la journée et ils ne se séparaient pas davantage le soir ou le dimanche au bal. C'est ainsi qu'ils connurent tous les deux la petite Margarita et qu'ils en devinrent amoureux l'un et l'autre. La jeune fille hésitait entre les Piémontais et l'Allemand, qui lui avaient tous les deux demandé sa main. Mais cette situation, n'est-ce pas, ne pouvait pas durer. Un dimanche, après la danse, le Piémontais, prenant à part la petite contadine, lui dit, avec une certaine brutalité d'accent, « Il faut, Margarita, que tu te décides enfin entre nous. On m'a dit que tu te disposais à épouser l'Autrichien. Si cela arrive, je te préviens que je tuerai l'Autrichien avant que vous ayez mis les pieds à l'église. » « Et moi, je te déclare, » répondit Margarita, « que si tu tuais Wilhelm, je me tuerais sur son corps. » La jeune piémontaise était d'un caractère fier et décidé. La menace de Pietro Bamba, au lieu de changer sa résolution, ne fit que la hâter davantage, de sorte que, 8 jours après, les noms de Margarita Franchi et de Wilhelm Brunner étaient réunis derrière le tableau treillagé de la maison de ville de Bardonnèche, avec le paraphe de l'honorable syndic de ce chef-lieu. Je ne sais combien de temps, en France, les noms des deux fiancés doivent rester affichés à la mairie, avant la célébration du mariage, mais en Piémont, il faut 3 semaines. Les 3 semaines étaient donc écoulées et tout se préparait pour la noce de notre heureux camarade avec la jolie piémontaise, lorsque un matin, il se fit parmi nous un grand remue-ménage. Nous vîmes descendre de la station du chemin de fer qui passe près du tunnel 4 bersagliers et 2 gendarmes royaux. Les 4 bersagliers se placèrent à l'entrée du tunnel et les 2 gendarmes royaux s'engagèrent dans la galerie en se faisant précéder d'une immense torche de résine. Au bout d'une demi-heure, ils arrivèrent dans cet équipage à la machine perforatrice où travaillaient les 2 amis. Et, s'adressant à celui dont ils avaient le signalement, ils lui demandèrent s'il était bien Wilhelm Brunner. Sur sa réponse affirmative, ils exhibèrent un mandat d'arrêt émané de l'autorité militaire de Vienne. Wilhelm Brunner était un déserteur de l'armée autrichienne. Il était venu se cacher parmi les travailleurs du Mont Cenis, espérant, mais à tort, qu'on n'irait pas le chercher dans les entrailles de la terre. C'était en 1959. L'Autriche était alors en guerre avec l'Italie et d'après les codes militaires de tous les pays, la désertion à l'ennemi est punie de la peine capitale. Le mandat d'arrêt contre le malheureux Allemand était donc un arrêt de mort. Le pauvre jeune homme se laissa emmener sans résistance. Seulement, il jeta, en partant, sur son compagnon de travail, Pietro Bamba, un tel regard de désespoir et de secret reproche que l'âme du Piémontais dut en être tout remué. Du reste, son trouble, sa pâleur, l'agitation convulsive de ses traits disaient assez à quel point cette scène remplissait le Piémontais d'anxiété. « Que vous dirais-je, monsieur ?» 2 mois se passèrent et l'on n'entendait parler de rien. Margarita ne paraissait plus au bal du dimanche et les Piémontais avaient l'air comme fous de désespoir. À la fin, il n'y tint plus. Et rongé par les remords, il se rendit à Bardonnèche, où se trouvait la jeune fille, pour obtenir quelques renseignements. Margarita habitait avec sa vieille mère, une pauvre maison des champs, où les 2 femmes cultivaient quelques plantes potagères, qu'elle allait vendre à la ville. Quand Pietro Bamba entra dans la maison, ce qui le frappa d'abord, ce fut la vue de la jeune fille vêtue de noir. Son regard était fixe et elle paraissait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. Il lui parla. Elle ne répondit pas. Alors, la vieille mère, tirant une lettre d'un vieux bahut de noyer, la remit au jeune homme. C'était la lettre d'un mourant. Le pauvre Wilhelm l'avait écrite au moment d'aller tomber sous les balles de ses camarades. Il faisait ses adieux à sa fiancée en lui envoyant une mèche de ses cheveux. Comme la lettre avait été retirée de son uniforme quand on l'avait relevée sur le champ d'exécution, elle était tachée de sang et la mèche de cheveux était fixée au papier par ce ciment lugubre. Le pauvre Wilhelm avait scellé avec le sang de ses veines, avec son âme et sa vie, ses suprêmes adieux à celle qu'il aimait. Pietro Bamba, désespéré, regarda Margarita, qui, retrouvant un éclair de raison, lui jeta à la face ces mots « Assassin ! Assassin !» Le Piémontais sortit, la tête perdue. C'était bien lui, en effet, qui, ayant vu sur les bancs de mariage le nom et le pays de son rival, avait écrit en Autriche pour le dénoncer et l'arracher ainsi à sa fiancée. Savait-il qu'il entraînait, par cette trahison, la mort de son ami? C'est un secret entre Dieu et lui. Quoi qu'il en soit, le Piémontais erra toute la nuit dans la campagne. Des ouvriers de notre chantier, qui faisaient un travail extraordinaire, le virent aller et venir jusqu'au jour, comme un être abandonné de Dieu. Le matin, pourtant, il rentra au tunnel. Mais il était pâle, comme une des vierges de marbre de Campo Santo de Pise. Et il ne paraissait se rendre compte de rien. Nous ne laissâmes passer avec un sentiment de terreur et de pitié. C'est alors, monsieur, qu'il se passa quelque chose que je n'oublierai jamais, vivrai-je 100 ans. L'ouvrier qui avait remplacé à la perforatrice le pauvre Wilhelm était novice encore. Il ne put s'opposer à l'acte du désespoir qui mit fin aux souffrances du malheureux Pietro. Celui-ci s'approcha de la perforatrice, écarta l'affût d'un coup d'épaule, et se plaça entre les fleurets de la machine et le mur du fond du tunnel, au point même que devaient battre les pointes de l'appareil pour entamer la roche. Puis il donna à son compagnon l'ordre de faire jouer la machine. Aussitôt, les fleurets firent leur office. Seulement, au lieu de trouver le roc de leur coup redoublé, ils trouvaient une poitrine d'homme. Au lieu des débris et de la poussière du granit, c'était du sang qui rejaillissait autour des forêts d'acier. Et les forêts frappaient toujours. Ils battaient sans cesse le corps du malheureux ouvrier. Ils ne s'arrêtèrent que quand Pietro s'affaissa, dans les dernières convulsions de l'agonie. Je vous laisse à penser l'effroi, l'émotion de tous nos camarades à ce spectacle affreux. « Voilà, monsieur, dit le contremaître, puisque vous teniez à la savoir l'histoire de la fiancée de l'Autrichien. » Sa pipe s'était éteinte et il ne songeait pas à la rallumer. Ce fut moi qui appelai son attention sur ce regrettable incident. Pendant qu'il remplissait de nouveau sa bienheureuse pipe, je crus le moment propice pour obtenir un nouveau récit. Je procédai toutefois par insinuation et en faisant un appel tacite à l'amour-propre du conteur. « On m'a fait connaître, lui dis-je, un événement terrible dont la cause n'a jamais été bien expliquée et sur laquelle vous seriez peut-être en mesure de me bien renseigner. Vous voulez parler de l'explosion de la poudrière ? » ?»« En effet, on est resté quelque temps sans en avoir l'explication. Mais aujourd'hui, je puis vous conter cela de fil en aiguille, comme on dit, car j'ai vu de près l'événement et ce qu'il a occasionné. » Sur ces paroles, Coscoline s'affermit sur sa chaise et, croisant les jambes l'une sur l'autre, il prit à deux mains son pied droit, ce qui est, à ce qu'il paraît, sa manière d'affirmer fortement une proposition. « Voyez-vous, monsieur, me dit-il avec importance, il faut toujours se méfier des femmes qui ont de longs cheveux blonds, avec des yeux très noirs et des sourcils qui se rejoignent. Et pourquoi cela, monsieur Coscoline ? Parce que les femmes qui ont de longs cheveux blonds, des yeux très noirs et des sourcils qui se rejoignent sont vicieuses, effrontées et ne causent que des malheurs à ceux qui les fréquentent. c'est parce que Toinetta était faite ainsi que le malheur de la poudrière est arrivé. Et qu'est-ce que ce Toinetta ? Une très belle fille de 25 ans, une Savoisienne de la vallée de la Maurienne. Mais on ne la voyait plus souvent au bal ou à la promenade qu'à son atelier, chez la maîtresse blanchisseuse. Curieuse et effrontée, elle avait une assez mauvaise renommée dans la vallée de Modane, comme au Val de Suse. Elle avait ensorcelé un de nos camarades, Giovanni, que l'on appelait le Biellet, parce qu'il était de Biella, en Piémont, et qui travaillait dans la poudrière à confectionner des cartouches pour les mineurs. Nous avions beau le chapitrer sur l'inconvenance et le danger d'un pareil attachement, Giovanni n'entendait rien. Vous savez, monsieur, que quand l'amour nous tient, tout ce qu'on peut nous opposer pour nous en détourner ne sert qu'à nous enfoncer un peu plus notre passion dans le cœur. Nous perdîmes donc nos paroles à essayer de combattre la résolution de Biellet. Son meilleur ami, le capucin Saint-Ambroise, qui habitait un couvent perché là-bas sur un mamelon du Val de Suse et qui venait souvent au milieu de nous, qu'était pour sa confrérie, ne manquait pas une occasion de déblatérer contre la Savoisienne. Le frère Saint-Ambroise aimait à prêcher, et bien que nous ayons une chapelle et plusieurs des servants au tunnel, quand il venait quêter, il aimait à nous faire quelques pieuses homélies. C'était tantôt pour la fête de Saint-Marc, patron de Venise, pour celle de Saint-Janvier, protecteur de Naples, pour l'anniversaire de Saint-François d'Assise, l'honneur de Bologne, ou pour les dévotions à Saint-Charles-Borromée, qui veille sur le lac Majeur. Il réunissait les ouvriers en plein air, autour de lui, et monté sur quelque vieil affût de perforatrice ou sur un wagon de rebut, il nous faisait une édifiante instruction qui se terminait toujours par quelque sortie furibonde contre les filles de Bâle qui perdent les pauvres mineurs. Et ce disant, il regardait fixement Toinetta. « Que croyez-vous, monsieur, que faisait Toinetta pendant la péroraison du révérend ?» Elle se moquait de lui. Elle tournait en dérision ses paroles, ses gestes et son accent piémontais. « Vous pensez bien, monsieur, qu'une fille qui se moque ostensiblement d'un capucin ne peut pas prétendre à l'estime d'un chacun ?»« Non, certes, » répliquai-je avec conviction. « L'événement le prouva, » reprit Coscoline, sans s'arrêter aux remontrances de ses camarades, sourd aux prières du frère Saint-Ambroise, le Biellet offrit à Toinetta une grosse bague d'argent qui avait été l'anneau de mariage de sa mère, et il épousa la Savoisienne. Mais à peine mariée, Toinetta reprit sa vie de dissipation et sa conduite alla de mal en pis. Elle passait du commis des douanes à l'employé de nos bureaux, de celui-ci au menuisier en wagon et du menuisier en wagon au simple mineur. Bref, sa conduite était un scandale. Le pauvre Giovanni s'en aperçut bien vite et il en conçut un violent chagrin. Il retira à sa femme la bague d'argent qu'il lui avait donnée le jour des fiançailles. Il remit l'anneau à son doigt et tâcha d'oublier l'infidèle. Mais malgré lui, il y pensait toujours et ne pouvait s'empêcher de l'aimer encore. Le frère Saint-Ambroise lui conseillait d'entrer dans son couvent pour demander à Dieu la force d'oublier. Malheureusement, il y avait en face de la poudrière où travaillait Giovanni un petit cabaret, et le cabaretier, Bartolomeo, affirmait à notre ami qu'il n'est rien de tel pour se consoler des amours trahis que la dive bouteille. Au lieu de suivre le pieux conseil du capucin, le Biellet écouta le cabaretier, de sorte qu'il ne quitta plus la guinguette. On l'y voyait du matin au soir. Quand il avait bu, il était heureux. Il revoyait sa Toinetta séduisante et fidèle. Il faisait des rêves du paradis. Mais à jeun, il était en proie à des crises affreuses. Il nous effrayait par son exaltation et sa fureur. Vous comprenez bien, monsieur, que tout cela devait mal finir. Oui, et j'entrevois le dénouement. Il fut terrible, monsieur. Voici comment la chose arriva. Un jour, c'était le 6 novembre 1865. Le capucin Saint-Ambroise, qui était sorti pour une quête, passait devant notre poudrière, en se rendant au tunnel. Le petit cabaret de Bartolomeo était, comme je vous l'ai dit, en face de la poudrière. ce que le frère Saint-Ambroise vit en passant le transporta d'une telle fureur qu'il alla frapper avec violence à la porte de la poudrière. Giovanni, qui était occupé à remplir des cartouches, sortit aussitôt. Le capucin le prit par le bras et le menant dehors lui dit seulement « Regarde !» Et savez-vous ce que vit Giovanni ? Sa femme, sa Toinetta, qu'il aimait toujours, attablée avec un nouvel amant, un jeune ouvrier du Val de Suse. Ils avaient même eu l'indignité d'apporter leur petite table près de la poudrière, et là ils buvaient et riaient ensemble, l'un contrefaisant les gestes et imitant l'accent du révérend Saint-Ambroise, l'autre tournant en ridicule la tournure et les traits de Giovanni. Et pourtant, des tourbillons de neige passaient dans la vallée et l'ouragan mugissait au loin. Giovanni, à ce spectacle, devint pourpre de fureur. Il poussa devant lui le capucin en lui disant « Pars tout de suite, car il va se passer ici quelque chose d'épouvantable. » Le capucin ne se le fit pas dire deux fois. Il s'enfuit à toutes jambes. Pendant ce temps, Giovanni courait au cabaret de Bartolomeo. Il prenait une poignée d'allumettes chimiques, car vous savez qu'il n'y a jamais d'allumettes chimiques ou autres dans un magasin à poudre, et rentrait comme un fou dans la poudrière. Quelques minutes après, on entendait une effroyable explosion. La poudrière sautait. Le malheureux Giovanni avait oublié que d'autres ouvriers travaillaient en même temps que lui dans la poudrière et que pour tuer son infidèle, il allait faire périr des camarades bien innocents du mal qu'on lui avait fait. Mais je vous ai dit qu'il était souvent comme fou et que le vin avait fini par lui ôter presque tout sentiment. Quoi qu'il en soit, le désastre fut affreux. Dans l'enceinte, qui contenait 13 000 kilogrammes de poudre, se trouvaient en même temps que le bielet une quinzaine d'ouvriers mineurs. Trois périrent sur le coup. Un autre, affolé de terreur, courut se jeter sur les rails et fut mis en pièces par un wagon de déblais qui, en ce moment, sortait du tunnel. La destinée, qui est si cruelle quelquefois pour les bons, est souvent bien clémente pour les méchants et les pervers. Pendant que les quatre ouvriers mineurs étaient victimes de la catastrophe, Toinetta et le jeune ouvrier du Val de Suse restaient sains et saufs et s'efforçaient de fuir à travers la fumée et les décombres. La force de l'explosion avait lancé les cadavres jusqu'à 300 mètres, de sorte que Toinetta, en se retirant, aperçut, sortant de dessous de la neige, un doigt et à ce doigt une grosse bague d'argent. Elle s'approcha et reconnut l'anneau que Giovanni lui avait repris. Elle écarta rapidement la neige. C'était bien Giovanni, c'était bien son mari, et du doigt, le cadavre semblait désigner et menacer la femme adultère. À cette vue, Toinetta éperdue s'enfuit à demi-folle. « Et qu'est devenue, demandai-je la malheureuse ?» On n'a plus entendu parler d'elle. Le frère Saint-Ambroise affirme l'avoir vue depuis l'événement errer plusieurs fois dans la campagne, à l'entrée de la nuit, pâle comme un spectre et les cheveux épars. Elle montait sur la pointe d'un rocher et regardait les lieux qui furent le théâtre du désastre. D'autres prétendent avoir entendu, la nuit, des cris et des gémissements partir de la maisonnette qu'elle habitait dans la vallée de Maurienne. Le fait est qu'elle n'a plus reparu. « Vous voyez donc, monsieur, ajouta Coscoline en forme de conclusion, que je n'avais pas tort de vous engager à vous méfier des femmes qui ont de longs cheveux blonds avec des yeux très noirs et des sourcils qui se rejoignent. » Pendant que Coscoline achevait son récit, les clients du cabaret s'étaient peu à peu retirés et nous étions restés seuls sous notre tonnelle feuillue. Il était 1 heure du matin et les étoiles brillaient dans un ciel d'une sérénité admirable. Je me hâtais de regagner ma pauvre auberge de Monta et sur un de ces mauvais lits dont les hôtelleries italiennes ont le fâcheux monopole. Je fus assez longtemps à trouver un sommeil que troublèrent quelque peu les souvenirs des trames du tunnel. Fin de la section 67. Lupin Agnès, Obi 2024.